L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. La Lune aurait vécu un basculement de son axe polaire dans le passé. Cette déduction a pu être faite grâce à l'observation de la glace d'eau cachée dans les régions polaires lunaires. La Lune a ceci de particulier que son axe de rotation est presque parfaitement orthogonal à la droite qui joint le centre de la Lune et le centre du Soleil. Elle ne connaît donc pas de saison comme la Terre, dont l'axe de rotation est incliné de 23 degrés. La conséquence de cette disposition est que les cratères de la Lune, qui se trouvent au niveau des pôles lunaires, ne voient jamais la lumière et la chaleur du Soleil. Ces régions sont ainsi parmi les zones les plus froides de tout le système solaire, plus froides même que la surface de Pluton. La glace d'eau peut ainsi y rester stable durant plusieurs milliards d'années. Depuis le début des années 60, les astronomes avaient pensé que de l'eau pouvait s'accumuler lentement dans l'ombre des cratères polaires de la Lune. En 1998, des chercheurs ont eu l'idée lumineuse, avec la sonde Lunar Prospector, d'utiliser les neutrons produits naturellement par le rayonnement cosmique lorsqu'il interagit dans le régolithe lunaire, comme une sonde pour quantifier la présence d'hydrogène. L'hydrogène est en effet l'un des éléments les plus réactifs vis-à-vis des neutrons, qui les ralentit, les diffuse et finit par les capturer en émettant un photon gamma caractéristique de 2,22 MeV. Dans cette nouvelle étude publiée dans Nature, les chercheurs américains ont réétudié les données de flux neutroniques diffusés par la Lune qui ont été enregistrées en 1998 et 1999 par l'instrument Neutron Spectrometer de la sonde Lunar Prospector, ainsi que ceux obtenus plus récemment par le Lunar Exploration Neutron Detector installé sur la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. Observer un déficit dans le flux de neutrons en provenance de la surface de la Lune indique la présence d'hydrogène, et qui dit hydrogène dit eau. La méthode permet d'explorer la présence d'eau non seulement en surface, mais aussi légèrement en subsurface. Ils utilisent des méthodes d'analyse statistique avancées pour en déduire les abondances d'eau sur la surface de la Lune. Ce qu'observe Matt Sigler du Planetary Science Institute à Tucson et ses collaborateurs, c'est la présence prévue de glace au niveau des pôles nord et sud, mais aussi, dans de plus faibles proportions, dans deux autres zones qui se trouvent être aussi aux antipodes l'une de l'autre, mais désaxées de exactement 6 degrés par rapport à l'axe nord-sud actuel, comme si il s'agissait de régions qui se seraient trouvées dans le passé au pôle nord et sud actuel et auraient ainsi pu accumuler de la glace. À partir de cette constatation, les planétologues suggèrent que l'orientation de la Lune par rapport à son axe de rotation aurait pu changer dans le passé. L'axe de rotation, quant à lui, serait resté le même, toujours orthogonal à la droite Lune-Soleil. Ces zones riches en eau sont appelées des paléopôles par les chercheurs. Malgré le fait qu'elles sont désormais exposées à la lumière du Soleil, ces accumulations de glace semblent avoir survécu. Pour renforcer leur hypothèse, Sigler et son équipe proposent un phénomène qui serait à même de produire un tel basculement de la Lune vis-à-vis de son axe de rotation. De tels basculements d'orientation peuvent avoir lieu lorsque la distribution de masse interne d'un corps change, modifiant alors son moment d'inertie. Les chercheurs montrent que le basculement des pôles observés peut être expliqué si certaines régions deviennent soudainement moins denses. L'une de ces régions, la région nommée PKT pour Procellarum Cryptera, se trouve être la zone de la Lune la plus radioactive et connue pour avoir été la plus volcanique dans le passé. Ces deux caractéristiques, implique que cette région a dû être, à une certaine époque, chaude, et donc moins dense que son voisinage proche. Si la région PKT est bel et bien responsable du changement d'orientation lunaire, cela devrait permettre de contraindre la magnitude des élévations de température associées au volcanisme sur la Lune. Cela pourra aussi indiquer d'autres paramètres comme les échelles de temps de ces événements ainsi que leur impact global. Peut-être les spécialistes pourront-ils également mieux comprendre pourquoi la région PKT est si radioactive, ce qui reste une énigme encore tenace aujourd'hui. On peut se demander comment la glace ancienne a pu survivre durant près de 3 milliards d'années, date des derniers épisodes volcaniques sur la Lune, alors qu'elle se trouve désormais sous la lumière du Soleil. Une explication amenée par les chercheurs est qu'il ne s'agirait que de glace résiduelle qui se trouverait maintenant en subsurface, à la manière du permafrost que l'on trouve en Sibérie ou en Alaska, où le sous-sol est gorgé d'eau gelée, même en plein été, jusqu'à plus de 1 mètre de profondeur. Des études antérieures avaient déjà conclu à l'existence d'un basculement de la Lune par rapport à son axe de rotation, parfois jusqu'à des angles importants de plusieurs dizaines de degrés. Le changement d'orientation proposé ici est relativement faible et reste maintenant à réconcilier avec les données antérieures, voire à confirmer, notamment dans son origine volcanique. L'article de Matt Sigler et ses collaborateurs est paru dans Nature cette semaine, le 24 mars 2016. Il s'intitule « Lunar True Polar Wonder Inferred from Polar Hydrogen ». Le basculement polaire de la Lune déduit de l'hydrogène des pôles. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous y retrouverez évidemment toutes les illustrations associées à ce billet. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur iTunes, sur podcloud.fr et sur YouTube. Sur YouTube où vous pouvez retrouver d'autres petites émissions qui arriveront au fil du temps, comme par exemple la toute nouvelle qui s'intitule « Découvrez le ciel » dans laquelle je vais vous faire voyager dans le ciel du printemps et peut-être après de l'été, comme si vous aviez un télescope, eh oui. N'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, d'ici à la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, toujours, et restez bien toujours les pieds sur terre. Allez, salut !